Ça, on fait comme j'ai fait, on fait des centaines de conférences par année pour répondre. Ouais. Pas bête, un bon truc. Ce soir, on va résumer pourquoi moi, dans ce corps et dans cette vie. Puis, de toute façon, on parlera d'autres questions d'autres fois. Ça fait déjà assez de matériel comme ça. Alors, par laquelle on commence? Par pourquoi moi? C'est évident que la question la plus idiote que l'homme s'est posée a été « Pourquoi? » Puis comme il rajoute toujours des mots après, ça ne change rien, ces questions. Pourquoi il pleut? Puis la réponse la plus idiote, c'était « Parce que. » Puis après ça, il continue, parce qu'il y a de l'eau qui tombe. Mais en même temps, ce phénomène, pourquoi je dis que c'est idiot, c'est pas idiot, évidemment, c'est extrêmement intelligent, c'est comme ça, de toute façon, c'est là. Mais c'est que l'ego humain n'est pas capable de supporter la valeur psychologique qu'amène une question comme ça. L'ego de l'âme, donc la psychologie de l'âme, l'âme de l'homme, le corps astral de l'homme, ses mémoires, ses désirs, ce qui constitue lui-même, l'homme finalement, l'homme planétaire évidemment. Lorsqu'il pose le pourquoi, nécessairement, il traduit une souffrance. La souffrance, elle peut être extrêmement atténuée parce que le pourquoi est une copie conforme au pourquoi collectif. Tout le monde se pose la question, je la pose lui avec comme ça pour être naturel, de fait normal. D'où je viens, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Ça fait des milliers d'années qu'on se pose la même question, puis on se rend compte qu'on est venu au monde, qu'on mange, puis qu'on va mourir. Puis qu'on va revenir. Ben ça, par la suite, ceux qui ont bien aimé leur vie entrevoient la possibilité de revenir. C'est pas nécessairement que tu l'as bien aimé. Si tu crois que tu vas revenir, que ça te tente ou pas, tu vas revenir pareil. C'est évident. Alors, il y a ce phénomène du pourquoi qui oblige l'être humain à exprimer une tendance de souffrance, c'est-à-dire qu'il y a donc un manque chez lui. Et ce manque est un vide énergétique, un vide qui est transmis sous forme de questions. J'ai déjà expliqué dans un séminaire que l'âme était comme un bloc, comme une boîte de sable. Et dans ce sable, à un moment donné, on prend une tige de métal. Une tige de métal, c'est différent d'un tube. Une tige, c'est plein. On prend une tige de métal et on l'enfonce dans le sable et on traverse la boîte d'un côté à l'autre. Cette tige de métal, on peut faire un parallèle avec de l'intelligence, soit l'intelligence supramentale, qu'on appelait antiquement l'Esprit Saint. C'est de l'intelligence instantanée. Et c'est ce savoir instantané aussi que je parle souvent. Alors, cette tige traverse dans le carré de sable, et le sable, c'est l'âme, et le sable lui-même, ben, c'est les mémoires de l'âme, c'est-à-dire que c'est l'ego, c'est les mémoires volatiles, et notre boîte, c'est le périsprit, le corps séraphique, qui est un paramètre l'âme, donc l'enveloppe de l'âme. Alors, il y a dans l'âme, c'est l'âme, c'est la psychologie de l'âme, c'est l'ego, c'est celui qui pose des questions, c'est celui qui s'identifie, c'est celui qui a peur de demain, c'est celui qui regrette le passé, c'est celui qui se culpabilise, c'est celui qui fait tout ce qu'il faut pour que le corps physique sécrète des hormones. Ces sécrétions hormonales engendrent une cellularisation, c'est-à-dire engendrent un codifiage évolutif à l'intérieur du code de l'ADN, donc de l'ADN des cellules, et à travers des millions d'années, l'être humain qui a des enfants communique un petit peu de sa cellularisation à ses enfants et le reste par l'éducation au niveau de l'évolution. Lorsqu'on a ce carré de sable, il est plein, il est heureux, c'est le bonheur, c'est impeccable. Et à un moment donné, il y a une parcelle d'intelligence qui traverse cela. Je n'ai qu'une tige, j'ai une tige de métal qui traverse. La tige, lorsqu'elle traverse, ça ne dérange rien. C'est de la lumière, on est plus heureux, ça, c'est merveilleux. Quand la tige a fini de traverser, de l'énergie, ça coule. Et l'être humain qui a commencé à faire un voyage astral, dans le terme plus québécois, on dit à triper, trip voyager, à triper sur ce phénomène-là, eh bien, il se coupe de ce contact avec l'intelligence, donc la tige, elle est retirée ou elle passe, puis ça arrête, comme un courant d'eau qu'on a coupé. Mais dans le carré de sable, maintenant, il reste le trou, laissé par la tige. Et c'est ce trou que l'ego va tout faire pour combler, parce que dans la constitution de l'âme absolument harmonieuse, il y a maintenant un vide. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Eh bien, si on prend notre carré de sable, si sur notre tige, il y avait des égratignures, il y avait des traces dessus. Eh bien, c'est évident que si on place la tige et qu'on la traverse, on va voir dans le tunnel, dans le sable laissé par la tige, les traces laissées par la tige. Donc, on peut considérer que le sable a mémorisé le contour de la tige. Dans l'âme, c'est la même chose. Lorsque l'intelligence traverse l'âme, il y a la mémorisation du contour. Et cette mémorisation-là, c'est quelque chose de neuf. Mais il nous manque la mémoire ou l'expérience de toute la tige, qui maintenant est un trou. La mémoire de ce contour, dans notre conscience réfléchie, au système neuronique, est amenée comme étant une question. Alors, pourquoi telle chose? Oui, mais avant, tu ne posais pas ces questions-là. Non, il n'y avait pas de tige. Où elle était là. Donc, c'était comblé. Maintenant que c'est retiré, quand on pose une question, c'est parce qu'on a été touché par l'intelligence. On a donc un ajusteur de pensée. Et c'est parce qu'on a coupé, on a perdu le contact. Il y a qu'un vide. Oui, comme moi, je ne me pose jamais de questions. Je réponds à des questions si on me pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Toi, une tige te traverse. Elle laisse un trou avec le contour mémoriel dans ton ego, dans ton âme, de ce que t'es la tige. Quand tu me poses la question, si tu la colores émotivement, nécessairement, elle sera posée d'une façon tellement colorée que je ne pourrai rien faire avec ta question. Mais si tu arrives à décoder, donc à transmettre par le centre laryngé, par la parole, exactement la mémoire de ce canal laissé par la tige, eh bien, ce canal, tu le transmets, moi, je le prends, je m'en sers aussi comme canal. C'est des mots que tu as mis. Mais tes mots communiquent de l'énergie, une énergie qui a un nombre de formes exactement pareil à celle qui est laissée au niveau de ton âme. Moi, ben, c'est comme si je la vissais en haut de mon ajusteur de pensée et elle m'amène là où est passée ta tige. Tu m'amènes la question, je t'amène la réponse. L'être humain, donc, a de l'intelligence régulièrement chez lui. La problématique, c'est qu'il se coupe de l'intelligence à l'instant même où il va y toucher. Pourquoi? Parce qu'on est constitué en grande partie de mémoire, qui est l'âme. Alors, on a une pensée typiquement mémorielle, exclusivement mémorielle. On a en plus une pensée émotive. On n'est pas capable de voir, de penser à un arbre sans penser à un arbre beau ou à un arbre laid. On n'est pas capable de penser quantitativement. On doit toujours mettre des qualitatifs, les beaux, grands, petits, loin, moins bons, plus bons, meilleurs, à tout ce que l'on fait. Et ça, c'est parce qu'on a expérimenté les choses. La première fois qu'on voit un objet qu'on n'a jamais vu, qui ressemble à rien, on ne trouve ça ni beau ni laid. On voit l'objet. Quand on voit un deuxième objet similaire, bien maintenant, on commence à cataloguer. C'est moins beau, c'est plus beau. Parce qu'on a mémorisé l'expérience. Exact. Alors, on a besoin de mémoire. Là. Même si l'âme est finalement un virus qui habite le corps physique de l'homme et qui empêche l'intelligence, donc l'esprit, de venir en prendre possession, ce virus a l'avantage d'animer le corps de l'homme tant que le corps de l'homme, génétiquement, n'est pas conçu pour supporter l'intelligence. Donc, c'est grâce à cette âme que le corps physique évolue. Et lentement, évoluant, il permet de faire descendre un peu plus d'intelligence chez l'âme. Cette intelligence, elle descend et elle laisse des traces dans le virus, donc dans l'âme. Et ces traces sont recommuniquées à l'extérieur pour que le virus la connaisse. L'âme, j'ai déjà expliqué que c'est comme un bonhomme invisible qui ne peut pas se toucher et qui marche sur de la neige. Il ne sait pas qu'il existe. Mais marchant sur la neige, quand il se retourne, il voit les traces qu'il a laissées. Alors il dit, je pense, donc j'ai été, donc je suis. Étant donné que les questions qui traversent notre âme, on ne peut pas les connaître, sauf si on les amène au niveau de la parole, puis on les pose. Là, maintenant, on connaît la question. Est-ce que c'est l'équivalent de laisser la tige dans le sable, de l'arrêter au lieu de la laisser passer à travers non. la boîte? Non, c'est que l'être humain, non. La tige passe, puis du moment que quelque chose passe, on se coupe. On veut immédiatement décoder. Légoïquement, on veut expérimenter l'intelligence. Donc, la tige, elle reste jamais là. On ne peut pas l'arrêter? Non. Mais ce qui arrive, c'est que la tige, si tu coupes le canal, elle sort. Donc, tu n'as plus rien. Tu n'as qu'un trou, une question. Si par contre, tu ne coupes pas le canal, ça coule régulièrement. Tu n'as pas de question. Mais tu as accès à un savoir instantané qui te donne un savoir, qui te permet de savoir tout ce que tu as besoin de savoir, lorsque c'est nécessaire que tu le saches, sans même avoir besoin d'apprendre. Mais tu ne sauras pas ce qui se passe sur Bételgeuse. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu ne sauras pas ce qui se passe en Afghanistan. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu ne sauras pas ce qui va se passer demain. Parce que quand ça va être le temps que tu bouges, tu vas le savoir. Mais ça crée une insécurité fondamentale au niveau de l'ego, qui lui a besoin de prévoir, de se sécuriser, de connaître, de manipuler, de contrôler au niveau de sa connaissance, d'acquérir la connaissance universelle pour pouvoir mieux dormir. Qu'est-ce qui... Oui, mais si je meurs, je vais faire quoi? Il faudrait que je fume un coup pour apprendre. Mais si tu as un contact avec une intelligence, ton intelligence, donc un contact avec l'énergie supramentale, si tu meurs, tu sais quoi faire. Tu ne le sais pas avant, tu n'es pas mort. Pas besoin de savoir avant. Est-ce qu'il faut que j'apprenne quelles plantes sont comestibles, quelles plantes sont toxiques? Non. Si tu as de l'intelligence, la journée que tu es confronté à décider, tu prends celle qui est comestible, tu la manges. C'est plus simple. Tandis que celui qui se fait qu'à sa mémoire, ben, il ne fera pas confiance à l'intelligence. Donc, il va vouloir apprendre avant de faire une expédition, par exemple, quelque part sur la planète, qu'est-ce qu'il y a de danger, qu'est-ce qu'il y a de correct. Parce qu'il ne fait pas confiance au peu d'intelligence qui l'habite. Cette intelligence que je dis au peu, c'est pas péjoratif. Il y en a, ça touche l'homme, mais l'homme préfère faire confiance à sa mémoire plus qu'au phénomène de l'instantanéité. Donc, lorsqu'on a ce faisceau qui vient de passer, il y a le phénomène de la question. Une des questions fondamentales dans l'évolution de la conscience de l'âme, c'est justement celle-là. Pourquoi moi? Mais dans le début, c'est nécessairement comme toute forme d'expression de question de la part de l'ego, une plainte. C'est pas une question. Première fois qu'un humain dit « Pourquoi moi? » Il pose pas une question. Il chiale. Mm-hmm. Pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà. C'est rarement parce que c'est une bonne chose. Et c'est l'ego qui pose la question. Et l'ego pose la question, c'est une question qui transmet de l'orgueil. Et quand l'être humain a trop d'orgueil, il ne peut pas avoir un contact avec de l'intelligence. Pourquoi? Pour la simple raison que l'orgueil est l'expression très volumineuse de l'ego. Et pour avoir un contact avec l'intelligence, on doit s'anégoïser. On doit perdre de l'ego. Plus on a de l'orgueil, plus on a de puissance égoïque. Alors, moins on a de contact avec l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où l'intelligence commence à communiquer avec nous autres, on la rejette. Fais pas confiance. C'est comme le chameau dans le désert. Il marche, il creuse, il boit. L'homme, il marche, il creuse. Puis là, avant d'arriver à l'eau, il se dit, oui, non, c'est pourquoi là? C'est, je suis niaiseux. C'est, pourquoi pas là? Où là? Où là? Puis finalement, il meurt de soif. C'est pas un chameau, c'est un homme. Mais ça meurt dans le désert. Fais pas confiance à quelque chose. Oui, mais si je me trompe, est-ce que tu sais où creuser? Non. Bon, mais tant qu'à te tromper, trompe-toi donc. Vas-y donc comme ça. Tu as plus de chance. Ou si tu n'as pas plus de chance, ben, ça ne changera rien. Une chose certaine, tu vas mourir en creusant, sans souffrir, tandis que l'autre, il va mourir en creusant 45 trous. L'autre, il va mourir en se creusant la tête. Oui, c'est ça. Enfin. Pourquoi moi est donc une plainte? Pourquoi je dis c'est de l'orgueil? Comme quand on pose cette question-là dans le début. Pourquoi ça m'arrive? Veut dire, crime bon, beau, fin, smart, brillant comme je suis. Ça devrait arriver, non, pas à moi. Pourquoi moi? C'est de bonne raison. Je suis parfait. Pourquoi moi? C'est l'ego qui pose la question. Mais tu peux te poser cette question-là sans nécessairement dire que tu es parfait. Après. Mais la majorité des gens, quand ils commencent à se la poser, ils ont premièrement une prise de conscience majeure de leur existentialité sur la planète. Ils ont aussi l'information supplémentaire, donc intelligente, de leur importance ou de leur utilité cosmique. Oh, ils ne peuvent pas décoder quoi que ce soit. Mais ils ont la saveur qu'ils ne sont pas de la boue. À travers cela, il y a l'âme et l'ego qui s'accaparent de toute l'information, puis que là, maintenant, gros, on gonfle en orgueil. Et effectivement, l'être humain n'est pas de la boue. Mais l'ego est pire. Alors, l'intelligence qui commence à cohabiter avec l'humain ne donnera pas la richesse, la santé et tout ça à l'humain, tant que l'humain a de l'ego. Parce que c'est l'ego qui va s'accaparer de tout ça. Pourquoi moi? Ça, ce soir, selon les questions que tu as posées, on devra s'arranger pour répondre cosmiquement. On devra aller vérifier, premièrement, j'ai toujours expliqué qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. L'être humain est manipulé de A à Z. Tous ceux qui sont ici ce soir n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas pris de décision. Ils n'ont pas le choix. On pense qu'on a pris la décision. Oh oui, ça, c'est amusant. Ça nous permet de supporter plus facilement notre condition d'esclave. Ceux qui ne sont pas venus n'avaient pas le choix. C'est lui qui dit, moi, j'y vais pas, tiens, je décide. Une vraie farce. Qu'il décide ou pas, il ne viendra pas. Mais il ne pourrait peut-être pas supporter sa vie s'il se rendrait compte qu'effectivement, même s'il a décidé d'y aller, il n'a pas pu. Alors, c'est préférable qu'on le manipule pour qu'il ait l'impression de décider qu'il ne vienne pas. Pour lui, c'est plus clair. Bon, celui qui décide de battre sa femme, ben, c'est déjà souffrant de battre sa femme, pour la femme et pour le bonhomme qui la bat. Mais en plus, il faudrait qu'il la batte en se disant « Je veux pas! Paf! Paf! » Ben là, il se suiciderait. Mais le pire, c'est qu'il ne pourrait pas se suicider. Il n'y a pas de libre arbitre. Alors, à l'intérieur de lui, ce serait une bombe, un feu total. Alors, évidemment, c'est atténué. C'est une façon de dorer la pilule, de faire croire qu'il a décidé. C'est ça. Maintenant, on va dire qu'on a ben oui, une intelligence qui va s'organiser pour que l'homme ne batte pas sa femme. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme a besoin de battre sa femme. La femme a besoin d'être battue. Ils ne sont pas ensemble pour rien. Bon. Et c'est la même chose à l'échelle de n'importe quoi qui se passe sur la planète Terre. C'est question d'évolution cellularisante au niveau du système endocrinien. C'est pas question de morale fictive comme la paix sur le monde. La paix sur la planète Terre. Il n'y a pas plus connerie comme idée que ça. Mais la femme, elle, justement, dans ce cas-là, doit se poser la question, pourquoi moi? Eh oui. Dans ce corps, elle aimerait mieux être un boxeur. Non. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui se sont fait battre à l'époque où je travaillais pour Urgence Santé. Puis la question que la femme se pose, c'est pourquoi lui? Pourquoi mon pauvre chou? Il s'est fait mal au poignet en tapant dans le mur. Quand je me suis tassé, j'aurais dû rester devant. Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tu sais, pourquoi le poursuivre? Pourquoi l'envoyer en prison? Il est bon dans le fond. Le fond, il est loin à tabarnouche, mais en tout cas, il est bon dans le fond. Pourquoi? Mais ces gens-là, ben, il n'y a pas juste ces gens-là qui vont se poser ces questions-là. Ça, c'est les cas extrêmes, je dirais, ceux qui se font battre. Mais tu peux avoir aussi, j'imagine, que quelqu'un qui a du succès peut aussi se poser la question humblement, si non. ça existe. Ça, tout est possible. Mais sur la planète Terre, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'exemples akashiques de personnes qui ont eu le succès et qui, sans souffrance, se sont demandé « pourquoi moi? ». Celui qui a le grand, grand succès, quand il dit « pourquoi moi? », il souffre. C'est parce qu'il n'est pas à l'aise avec son succès. Non, il a trop d'argent, tout le monde le regarde, il est rendu avec des fenêtres qui sont blindées, il est rendu avec etc., etc. Puis là, oui, mais pourquoi ça m'est tout tombé dessus finalement? C'est comme Michael Jackson. Dans le début, tu es bien content, il ne pensait pas « pourquoi moi? ». Maintenant que ça commence à tomber, là, il va commencer à se demander « pourquoi lui? ». Donc, s'il l'avait réellement, je dirais pas mérité, il devrait avoir un meilleur mot que ça. C'est pas mérité, si parce qu'on mérite jamais ce qu'on a. Si ça lui était dû, ou s'il devait l'avoir, il se poserait pas question « pourquoi moi? ». Gagner à la loterie, tu le méritais pas. T'en avais besoin. Perdre deux bras, tu le méritais pas. C'est une mécanique. On est dans un engrenage. On mérite pas. L'évolution est même pas méritoire. L'animal humain veut une évolution méritoire. Il veut souffrir pour combattre sa souffrance. Il veut avoir peur pour devenir courageux. L'évolution méritoire, l'évolution de vraiment d'animaux. Tandis que l'évolution intelligente, elle est simple. Tu n'es pas courageux, tu n'as pas peur. Tu ne souffres plus, tu n'as pas besoin de commencer à travailler ou à méditer, ou à, etc., à se niffer de l'encens ou à droguer. Tu n'as pas besoin. C'est plus simple. C'est économique en énergie. Alors qu'on a énormément de personnes qui sont encore dans ce concept très archétypal, donc un vieux concept, du martyr. La mère qui a plein d'enfants, puis qui les supporte sur son dos à tout bout de champ, puis qui ramasse encore les cochonneries, même s'ils ont 18 ans, puis qui les supporte en bas dedans. Eh oui, mais c'est ça, on a des enfants, puis c'est ici, puis c'est ça, puis... Ouais, c'est ça, l'évolution de l'animal humain, l'évolution du martyr. Pourquoi moi? Parce que tu le mérites. Oui, bien, c'est très, très péjorativement. Finalement, il ne mérite pas, il est manipulé. L'humain, premièrement, la première réponse à la question « pourquoi moi? » c'est fondamentalement celle-ci. C'est qu'il y a dans cette sphère évolutive qui est déjà établie depuis un peu plus de 15 milliards d'années, un engrenage mécanique. Et dans cet engrenage mécanique, qu'est-ce que ça veut dire mécanique? Mécanique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Mécanique, ça veut dire que personne n'a décidé. Mécanique, ça veut dire qu'il n'y a pas un créateur qui a pensé un jour nous créer dans le but de. Mécanique veut dire que si c'est mécanique, c'est même pas nécessaire qu'il y ait d'objectif ou de but ou de raison. Et ça, mécanique. Pourquoi il y a tant d'injustice? Parce qu'il n'y a pas de Dieu de justice. C'est une mécanique. Nous, on a créé un. Pour nous supporter en se disant, dans 500 ans d'ici, il va arriver que ces chars de feu, puis il va tout installer. Quand on parle de l'Apocalypse, on ne parle pas de l'an 1988 ou de l'an 2023. Quand l'Apocalypse de Jean de Patmos a été écrit, c'était pour les quelques années qui venaient. Puis si on regarde toutes les prophéties apocalyptiques, puis qu'on se replace dans l'époque, Apocalypse veut dire révélation des choses à venir, non, révélation des choses passées ou en cours. C'est ça que veut dire Apocalypse, Apocalyptose. Mais on peut prophétiser dans les 10 années qui viennent. Saint-Luc, quand il parle de prophétie, il parle des années à venir. 2000 ans après, parce que c'est pas arrivé ou parce qu'on suppose que c'est pas arrivé, avec l'ampleur émotive qu'on avait projeté dans les prophéties, ben là, évidemment, on passe encore à ce genre de prophétie, à l'Apocalypse. C'est mécanique. Le retour du Christ, c'est le retour christique, c'est le retour de l'intelligence christique, donc de l'énergie supramentale. Puis c'est pas un bonhomme qui vient dans un corps de chair, c'est un paquet de bonhommes et un paquet de bonnes femmes. C'est aussi mécanique. C'est mécanique. Le Nazaréen, pourquoi lui, dans ce corps, dans cette vie? Parce qu'il n'a pas le choix. C'est pas compliqué. Ah, oh, on va dire, non, parce qu'il accomplissait une mission pour sauver. Qui a décidé? Toute l'histoire dit que son père l'a envoyé. Pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui s'est envoyé. On l'a garoché. La journée qui était sa croix, est-ce qu'il a dû se poser la question, pourquoi lui? En tout cas, il ne doit pas être catholique. Puis après ça, être bouddhiste, c'est pas quoi d'autre, mais il ne doit pas être catholique, certain. Ni chrétien. Comme tu décris ça, ça ressemble à ce que je m'imagine. C'est une série d'engrenages. Puis que cette gear-là, cet engrenage-là, tourne à une certaine vitesse, puis ça va finir par faire tourner celle-là à une autre vitesse, parce qu'il y en a 200 000 entre les deux, puis ça va arriver de toute façon. Oui. Ce qu'on doit comprendre... Donc, ça donne de se poser la question, pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, de toute façon, ça va tourner. Ça donne rien de pas choix, voilà. La majorité de tout ce qui est amené par l'humain du point de vue de sa parole, du point de vue de sa gestuelle, ne font que confirmer le temps. C'est tout. Regardez ceci. Il y a 15,5 milliards d'années, mais les chiffres sont un peu inexacts, on les ajuste à partir de l'astrophysique. Il y a eu la dissolution, la désintégration totale d'une mémoire. Et cette mémoire s'appelait, dans le langage des créatures de la mémoire, des créatures du temps, ça s'appelait la création. Là, 15,5 milliards d'années, il y a eu la dissolution totale. Et du point de vue de ce qui est extra-créactivé, donc à l'extérieur de la création n'a jamais existé. Étant donné que le temps a été dissous, il n'y a pas de mémoire, rien. Ça n'a jamais existé. La problématique, c'est que nous sommes des créatures du temps. Nous sommes des créatures évolutives, donc nous évoluons. Qu'est-ce que c'est évoluer? Évoluer, c'est d'être capable de supporter la réalité. C'est simplement ça, l'évolution. L'évolution, c'est simplement d'être capable de supporter la réalité. L'évolution, c'est pas d'apprendre à se mettre une jambe autour du cou ou à faire une prière ou à allumer un cierge sans se briller les doigts. C'est pas ça, l'évolution. L'évolution, c'est d'être capable d'accepter la réalité. Un jour, on t'arrache un bras. Un accident. Émotivement, t'en souffres pas. Mentalement, ça ne change rien. C'est évident que t'as un bras en moins. Physiquement, ça change de quoi? Puis c'est tout. T'es honnête, évolué. Mais tu te mets à crier, à brailler, il te faut des narcotiques pour te réhabiliter, une rééducation psychologique, pas juste physique, il te faut tout un support. Tu as une forme d'évolution, tu es un être évolutif, mais t'en manques encore bien gros. Tu passes 2 ans de ta vie à prier dans le but de demander à ton Dieu de te redonner ton bras. Il va te donner ce qu'il peut te donner, te supporter le temps que tu t'habitues au manque de bras. Il ne donnera jamais de bras. Ça fait passer un bras. Bon. C'est une évolution qui est très, très, très lente, comme ça. Nous sommes en phase d'avancement. C'est-à-dire que le rôle fondamental de la race humaine, en plus d'être celle de détruire l'univers, c'est le rôle fondamental de l'humain, c'est d'anéantir carrément la création. On vient commencer. Oui, on est bon. Mais, on évolue là-dessus, certains. Oui, toutes les religions sont d'accord avec ce que je dis, sauf que la religion, c'est toujours l'enseignement coloré émotivement, intuitivement. Par l'homme, on doit retourner vers le centre source, vers le créateur, vers, bon, ben c'est ça, qu'on depuis, voilà, il n'y aura plus rien à un moment donné, c'est évident. C'est le rôle de l'homme. Mais en plus de tout ça, qu'est-ce qui arrive? Nous devons ramasser, toute la création est apparue à un moment donné, il y a eu une espèce de sphère spatio-temporelle, je passe par-dessus un paquet de détails d'astrophysique, il y a 13 dimensions créationnelles, il y a eu des effusions à travers des super-univers, des univers, des galaxies, finalement des contextes quadridimensionnels comme le nôtre, le temps et les quatre longueurs, c'est-à-dire la hauteur, la largeur. Et la profondeur. Alors, il y a donc ce phénomène quadridimensionnel qui cumule 13 dimensions qui sont plus échappées à l'extérieur de ce phénomène universel, dans notre super-univers et dans la création même. Mais toute cette mécanicité au complet, elle a commencé, elle a tourné, elle a été résorbée et elle est achevée. La création est achevée. Mais elle est achevée pas du point de vue oculaire de l'homme actuel. Pas du point de vue visuel de celui qui a une mémoire du passé et qui engrenage dans sa conscience un avenir. Mais c'est achevé, c'est accompli. La chose, c'est que le rôle de l'homme, c'est un rôle qui paraît con pour l'humain tant qu'il n'a pas encore suffisamment de volumétrie au niveau de sa conscience, c'est de cheminer à travers tout cela et de cumuler dans sa consistance atomique, donc physique, vitale, donc la vie, astrale, du point de vue de la psychologie, mental, du point de vue de la psychologie intellectuelle, et finalement supramental, bouddhique, et intentionnel, donc divine ou supra-universel. Qu'est-ce que c'est? Il doit cumuler tout le temps. Nous devons, et c'est ce que nous faisons très bien d'ailleurs, nous cumulons le temps, nous diluons le passé, nous démolissons le passé, nous l'amenons avec nous. On l'a dans nos livres d'histoire, on l'a dans les annales akashiques, on l'a dans notre tête. On l'a dans notre âme et on réincarne à chaque réincarnation toute l'Antiquité. Moi, je suis la réincarnation de tous mes lignées familiales. Tous mes ancêtres habitent et cohabitent chez moi. Sauf que l'accumulation expérientielle de tous ces ancêtres-là font en sorte que physiquement ainsi que psychologiquement, j'ai accès à de l'énergie, donc à de l'information différente de la tienne. L'humanité du passé cohabite avec nous. Nous pourrons peut-être un jour faire un voyage dans le temps, dans l'avenir, pas dans le passé. Le passé est mort, du point de vue mémoriel. Ça n'existe plus, c'est dans l'intérieur de nous autres. Nous sommes une espèce d'immense gratte, un grand aspirateur. Puis on s'en va des bons têtes, on ramasse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il reste l'avenir en avant. Et nous sommes comme un aspirateur sur des roues, nous progressons dans l'avenir et nous accumulons ce qui a été laissé. Ces traces ont été laissées par un précurseur de l'humanité, de nous autres. Ce précurseur, il a à peine cligné de l'œil. Et ces milliards d'années étaient accomplies. Et il reste maintenant, le temps étant le temps, il reste une espèce de travail qui est très étiré en arrière, puis nous sommes la queue de tout ça, puis on ramasse. On cumule. Tout le passé transparaît dans notre génétique. On n'a plus le corps physique de nos ancêtres. Nos ancêtres, lorsqu'ils prenaient quelque chose, ils l'écrasaient. Il n'y avait tellement pas de cellules musculaires que quand ils en contactaient une, elle se contractait et elle était puissante. Aujourd'hui, on en a tellement, puis on a tellement de communications axoniques, donc nerveuses, vers ces cellules-là, qu'on est capable d'avoir une dextérité extrêmement sensible. On est l'évolution du passé, mais on n'est pas l'évolution de l'avenir, pas encore. Bien que des entités de l'avenir puissent se réincarner chez toi présentement, la grande majorité de ce qui se réincarne 24 heures sur 24 chez l'homme provient de l'instantané mémoire du passé, mais qui vit dans l'actualité. Le rôle de l'homme, donc, on avance. On parle de poser la question. À quoi ça sert de poser la question? Quand on fait une action, que ce soit péter, poser une question, n'importe quoi, ça ne fait que nous dire, psychologiquement, ou même instantanément, du point de vue de l'intelligence, ça nous dit en quelle année nous sommes. C'est juste ça. Ça nous replace dans le contexte du temps. Moi, quand je bois de l'eau, je suis rendu à l'étape spatio-temporelle créactivée, au niveau créationnel, d'une date très particulière. Là où il y a eu la trace de la mémoire, où j'ai bu. J'en suis rendu là. Et là, on va dire, il n'y a rien là. Il y a tout là. Je ne suis pas en 1988 comme la majorité des humains de la planète. Majorité, c'est un peu faux. Les Juifs sont en l'air plusieurs milliers en avant nous autres. Et on a les bouddhistes qui sont dans une autre forme de chronométrie. Mais même ces dates-là sont fausses. On sait que le Nazaréen est né en l'an moins 3 avant le Christ. Bon, en partant, on est en 1988. Après qu'on ait décidé que c'était l'an zéro, parce que finalement, on est en 1991, depuis la naissance du Christ. Mais ce sont des années qui ne veulent rien dire. Alors, on avance, et chaque fois que l'on fait quelque chose, ça nous dit où nous sommes rendus dans la trame du film. C'est par rapport à la fin qu'on devrait calculer le temps, non pas par rapport au début, si je comprends bien. Bien, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi. On pense que l'univers a été créé il y a 15,5 milliards d'années, mais en réalité, l'univers a été créé il y a 4 milliards d'années, sauf qu'il nous reste 15,5 milliards d'années à vivre en avant de nous autres. Sauf que, comme j'ai déjà expliqué, c'est que le temps mental est un temps rétroactif par rapport au temps matériel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la matière, plus le temps avance, plus la matière se dégrade. Dans le mental de l'homme, plus le temps avance, plus les choses s'ordonnent et se placent. Alors, nous avons une évolution mentale et supramentale qui est rétrograde par rapport au temps, donc 15,5 milliards d'années à faire en avant, ce qui va se faire très rapidement, parce que ce n'aura pas la même consistance qu'on l'a présentement avec notre rotation, notre translation autour du Soleil. Et derrière nous, on a, du point de vue mental, 5 milliards d'années d'accompli, tandis que du point de vue physique, ce serait ceci l'inverse. Alors, il nous reste 5 milliards d'années du point de vue physique à travailler, 15,5 milliards d'années du point de vue mental. On sait très bien psychologiquement que des fois, le temps passe vite, des fois, le temps passe lentement. Il passe à la même vitesse. Mais dans le contexte astral, le temps n'est pas le même. On passe le même nombre d'heures. Mais c'est comme si subitement, tu étais propulsé, fou, 2 heures plus loin. Tabarnouche, il me semble que ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Okay? Quand on parle de 15,5 milliards d'années, ça peut se faire vite. Je parle de 15,5 milliards d'années, d'années standard. Mais du point de vue de la conscience, c'est bien différent. Quand tu commences à te retenir, ben, ton heure, elle passe, puis il me semble que ça fait 2 jours, ben, c'est ça. C'est plus long. Mais pourtant, ça tourne à la même vitesse, parce qu'un autre a trouvé que ça passait vite, et un autre a trouvé que ça passait comme c'est supposé passer, etc. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est comme... toute une métropolitaine avec chacun une souffleuse, qu'on avale la neige à mesure, ce qui est le passé, la mémoire, on l'a fait disparaître. C'est qu'en réalité, on avale le métropolitain. OK. Et la neige. OK, mais là, ce que je voudrais savoir, c'est qu'on n'a pas toutes la même souffleuse, puis on n'avance pas toutes à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on a toutes la même souffleuse, on avance tous à la même vitesse. Non, il y en a un qui prend un raccourci à quelque part. Non. Non? On avance tous à la même vitesse, on va tous arriver à la fin en même temps. Bon, donc, pourquoi moi, pourquoi dans ce corps, ça change absolument rien? Je serais dans un corps de femme ou un corps de... J'ai déjà expliqué souvent que le travail que je faisais, moi, ça ne permettait pas à l'humain d'évoluer plus vite. L'humain évolue à son rythme. Il ne peut pas évoluer plus vite. Ça ne donne rien d'évoluer non plus. Ça ne donne rien d'évoluer, mais si on veut, mais ce n'est pas dans les mains de l'homme. Il évolue pareil. Ça ne le regarde même pas que ça donne quelque chose ou pas, il avance pareil. Par contre, le travail que moi je fais, c'est de rendre plus confortable l'avancement. Alors, ta souffleuse, toi, elle avance à la même vitesse que la mienne. Moi, j'ai le téléviseur couleur dedans, j'ai la chaufferette, j'ai le dégivreur, j'ai un salon, puis ça marche tout seul. Ça va à la même vitesse que la tienne. Toi, t'es dehors au fouet, les oreilles, t'es gelé, puis t'as la pousse en même temps, t'essayes d'avancer. Puis il n'y a pas de gaz dedans. On va. Il n'y a pas de gaz. Non, ça fait t'as la pousse pour qu'elle marche. On va à la même vitesse. Pourquoi moi j'ai une souffleuse qui n'a pas de moteur puis tout en même avec la souffleuse? C'est ça la question. Okay, c'est ça la question. Fondamentalement, on va revenir sur la question pourquoi simplement l'humain dans l'univers. Ça se répond aussi. Mais là, on est rendu à nos souffleuses. Mais il faut qu'on comprenne déjà l'idée. On dit, oui, mais pourquoi que moi je ramasse le mouton de neige qui est là, qui est tout plein de calcium, là, puis pourquoi j'ai ramassé, tiens, l'enfant qui était dans l'igloo? Puis pas toi. Non, moi, je ne peux pas faire en sorte que ta souffleuse ramasse autre chose. Ta souffleuse est faite pour rouler sur ce chemin-là, puis tout ce qui est dans la neige en avant est là. C'est comme si tu étais sur une traque, c'est pas sur des... Oui, la souffleuse est sur la traque, sur le chemin de fer, sur le rail. Alors, c'est ça la problématique. Alors, quand l'humain pose « Pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie? » Il y a des choses qu'il peut changer, des choses qu'il ne peut pas changer. Moi, je veux rester avec ma femme ou avec mon mari, mais je veux qu'on soit heureux. Tu peux pas. Change de mari, change de femme. Bien sûr, change de souffleuse. Change de têteuse ou de têteuse. Mais tu ne peux pas. Moi, j'aimerais ça être brillant et continuer à fumer mon joint, torieux. Tu ne peux pas. Tu n'es pas dans la bonne souffleuse. Si tu veux vivre une condition particulière, tu dois abandonner une structure de vie particulière. Ça, c'est une souffleuse. Si je l'abandonne, immédiatement, il y a un humain qui va prendre la place. Puis toi, tu vas prendre la place de quelqu'un d'autre. Exact. Et ça, il faut qu'on arrive à le supporter. Il y a un nombre déterminé de souffleuses, puis un nombre déterminé de pousseurs de souffleuses. Il y a autant de souffleuses qu'il y a d'humains. OK. Mais il y a un nombre déterminé de souffleuses de luxe. Puis tu peux pas avoir deux chauffeurs après la même souffleuse. Non, mais par contre, tu peux avoir un chauffeur pour deux souffleuses. Tu peux en avoir une télécommandée? Non, mais tu peux venir dans ma souffleuse, puis il y a qu'un chauffeur, puis tout, tu fais rien. Puis la souffleuse, elle marche tout seul. Puis il y en a un cave dehors qui pousse la tienne, puis la sienne. Lui, il évolue en étant un martyr. Il aime ça. Fait qu'il pousse deux souffleuses. Il y en avance une, il part en arrière avancé. J'ai vu une annonce demain. Il a acheté un bon corps, il en achète deux, pas bon. Et ça va avec. Bon, c'est ça. Mais là, qu'est-ce que ça nous donne? De changer de souffleuse, je le comprends ce que ça donne. J'aime mieux avoir l'air climatisé et la télévision en couleur que de pousser au frais. Sauf que la majorité change de souffleuse pour abandonner l'air climatisé et la télévision. Oui, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le libre-arbitre. C'est pas parce que j'ai choisi de changer de souffleuse, parce qu'il y en a un qui m'a poussé en bas de la mienne. Exact. C'est vrai. Mais j'ai aussi expliqué, une chance d'ailleurs, qu'il y avait un libre-arbitre dans la conscience, mais qu'il n'y a pas de libre-arbitre dans l'ego. Qu'il n'y a pas de libre-arbitre dans la matière. Je peux être dans l'automobile qui va frapper le mur, je peux être dans l'automobile qui va passer par le trou dans le mur. Mais si je suis dans l'automobile rouge, celle qui va frapper le mur, elle frappera le mur. C'est ça qu'on doit comprendre. Tu as beau être positif, tu as beau prier, tu as beau faire ce que tu voudras, elle va rentrer dans le mur. Alors cherche la justice de ton Dieu, tu ne la trouveras pas. Et pas dans bonne automobile. Là, tu vas dire, oui, mais je suis venu au monde dedans. Ça, c'est pas une raison. Et c'est là que la mémoire entre en ligne de compte. L'être humain est habité par un virus de l'âme. L'âme, c'est l'ennemi juré de l'esprit. L'âme, c'est ce qui se prend pour l'esprit. L'âme, ça habite le corps et ça se sert du corps pour s'exprimer. S'exprimant, ça nourrit ce qui la constitue, la mémoire. Ça engendre donc les habitudes. La sécurité. On vient de se connaître, on s'aime pas, on se sépare. Pas de problème. On vient de se connaître, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça va pas, on se sépare plus. Il y a la mémoire là-dedans, on peut pas lâcher de même. T'as l'habitude. Alors là, c'est plus ça, là. Plus ça pantoute. Alors, tu viens au monde dans une automobile rouillée. Tu viens au monde avec dans une automobile où il y a un chauffeur absolument débile. Crème ce trottoir, il est toujours en train de tout user au complet, ça coûte cher, on roule sur les essieux parce qu'il n'y a plus de roue fait longtemps. Et puis finalement, ben là, on te la lègue. Et puis toi, ben c'est ça, t'es venu au monde de même. Être venu au monde riche, être venu au monde beau, être venu au monde, ça n'aura rien changé. Premièrement, la question se pose pas, t'es pas venu au monde comme tu dis. T'es venu au monde comme t'es venu au monde. Mais l'être humain a de la conscience. La souffrance, premièrement, c'est un feu absolument génial pour réveiller une conscience chez l'homme et chez la femme. La problématique, c'est que l'ego s'habitue à la souffrance, il a enfin une habitude, il aime souffrir. Fait que finalement, il reste dedans. Mais est-ce que c'est pas l'esprit qui a choisi d'habiter ce corps-là? Non, le corps qui a choisi simplement d'attirer une forme d'esprit. L'esprit s'en balance. Mais le corps, il choisit quoi? Le corps, depuis quand il... Le corps, il choisit. Bon, il n'y a personne qui choisit rien. Le corps est constitué, puis il attire une réincarnation dedans. Bon. Fait que la réincarnation a choisi rien, puis en plus, on se réincarne en gang. Fait que les deux ont rien choisi. Parce qu'il y a une partie de moi qui choisit la tête. Il y a une autre partie qui choisit les mains. Il y a une autre partie qui choisit les pieds, etc. Enfin, finalement, on se ramasse avec une gang de mémoires réincarnées. Puis on doit fusionner ça à l'adolescence si possible. Fait que là, on vient fou. Puis en plus, il y a des réincarnations d'adultes qui veulent maintenant prendre nos corps physiques parce qu'on commence à pouvoir être sexué et avoir du plaisir sexuel. Fait que là, ça fait une crise d'adolescence absolument débile. Et puis finalement, ce qui en ressort, ben, c'est les égos réincarnés qui vont gagner. C'est pas nécessairement ce que le jeune était avant. Ça peut ressembler à ça, mais ça peut être tout à fait différent. L'idée simplement qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est avec un corps physique qui a déjà une substance, une qualité particulière. La question pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, chez l'animal humain, ça se répond comme l'animal humain a besoin de répondre. Ça se répond bien parce que t'as pas le choix. Quand l'animal humain est un petit peu plus évolué, tu lui dis, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Si Dieu l'a voulu ici, il s'en doute correct. Il doit en avoir un autre. Oh, oui, il y a beaucoup d'autres crans, là. OK? Bon. Après ça, on passe à un autre niveau plus haut qui va être. Ça n'a rien à se poser cette question-là! Ça, c'est le niveau de la personne qui commence à transiter. Elle refuse les questions idiotes. Elle ne supporte pas les questions qu'elle ne peut pas supporter, c'est évident. Puis là, elle joue entre les deux. Elle veut abandonner toute la mémoire qui l'a constituée. Elle va normalement être contre les religions, contre sa famille, contre en tout cas, un paquet d'affaires. Contre les questions, contre les réponses. Ça va de soi, les vieilles questions. Puis en plus, si elle voit un animal humain se poser la question, c'est assez pour que jamais elle se la pose. Parce qu'elle fuit à Christ, ça se pose, et comme là, on ne jamais de la vie. Bon. Ça, c'est le niveau plus haut. Le niveau un petit peu plus haut, pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, fait référence à de l'intelligence, et c'est là-dessus qu'on doit nécessairement travailler, parce que c'est la seule manière d'arriver à changer de souffleuse. Tout le reste, c'est de l'illusion utile, serviable, salutaire pour les gens qui en sont à ce niveau-là. Mais comment pourquoi dans ce vie, dans ci, dans ça? Question? Ben, c'est parce que tu as une mission. Faut que c'est ta souffleuse. Ah, ben, t'as pas de nous, j'ai le tibou. Ah, même affaire, ça n'a rien changé. Mais là, on vient de te missionner. C'est normalement la faculté qu'auront la majorité des théologies sur la planète. Alors, il y a donc différents niveaux. Quand on arrive à un niveau, pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, on pose la question. Si l'être humain a un rôle, est-ce que l'humanité a un rôle ou si l'individu a un rôle? On va pouvoir, évidemment, additionner 1 plus 1 font 3 et pouvoir dire l'individu a nécessairement un rôle dans l'humanité qui, elle, a peut-être un rôle cosmiquement. Mais si l'individu a un rôle dans l'humanité, est-ce que j'ai un rôle dans l'humanité? Même si ma question se répond par oui, je poursuis. Est-ce que ce que je fais est l'unique rôle que je peux faire? Ou c'est simplement que je suis venu au monde dans un chemin, dans une vallée? Si on vient au monde sur un pignon, puis là on tombe. Tu sais, comme le paquet de jeux, des petites bobounes, là tu t'en viens, quand t'arrives en bas, on t'articule en haut, là, bon. Tu sais jamais où tu vas, c'est mécanique, puis finalement tu tombes dans un trou, puis tu te dis, bon, ben c'est ça, c'est ma vie. C'est là qu'il fallait que j'aille. C'est là qu'il fallait que j'aille. C'est évident que c'est là que tu allais. Parce que tu n'as aucun contrôle du point de vue de ta conscience sur ta conscience, donc sur tout ce qui te constitue. Alors, on repose la question, pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, puis-je changer de corps? Ça se fait par le biais d'être contrôle. On peut arriver dans un certain phénomène d'évolution à se mettre en état de catalepsie suicidaire. Et par l'intermédiaire de contact avec des êtres contrôle, ceux-ci vont partir à la recherche d'une personne qui a un corps en meilleur état, une personne qui veut se suicider, une personne qui est écœurée de la vie. Et on va s'arranger pour que la personne fasse un pacte avec, pour qu'elle meure sans souffrance au cours de son sommeil. Et immédiatement, toi, ton corps en catalepsie suicidaire, eh bien, on l'abandonne, donc il meurt. On te transfère toujours sous la régie des êtres contrôle dans le corps de celui qui vient de mourir dans son sommeil. Et tu vas donc prendre son corps. Pendant un laps de temps, tu devras t'habituer à ce corps, t'habituer à sa personnalité. Tu auras le problème karmique de t'associer aux gens avec qui l'autre vivait. Mais tu peux changer de corps. Ça arrive une fois toutes les quelques milliers d'années que ce changement de choses-là peut être possible. Mais qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que ça donnerait de changer de corps physique? Si... Bon, ça va donner simplement que pour si un individu... Si tu tiens en santé, là. C'est ça. Mais là, j'explique quand même que ce genre de choses peut se faire. Et il y a quelques rares initiés qui l'ont fait simplement parce qu'ils n'avaient pas encore constitué leur dôme éthérique. Donc, s'ils mouraient, ils risquaient de gagner le monde de la mort et être dissous. Et ils n'avaient pas fini leur travail. Ils avaient l'intelligence parce que le travail se poursuive. Donc, on leur donnait des corps. Le comte de Saint-Germain a souvent travaillé comme ça. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut changer son corps au niveau de l'onde de forme, au niveau de la forme du corps, sans changer de corps? Ben oui, on peut. On a passé 20, 30, 40, 50 ans peut-être à le démolir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2 heures, on l'ait réintégré convenablement, réénergisé. Mais ça peut se faire plus vite. Pourquoi? Parce qu'on l'a démoli inconsciemment. Si on le rebâtit inconsciemment, ça va prendre le même nombre d'années que ça nous est prêt à le démolir. Mais si on le rebâtit consciemment, c'est bien différent. Rebâtir son corps physique veut dire au moins redonner une santé. Mais là, on va dire, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai telle couleur de cheveux? J'ai telle couleur d'yeux? Pourquoi j'ai tel grand nez? Pourquoi j'ai tel bouton à telle place? Si c'est ça qu'on se pose comme question, la conférence ne répond pas à ça. Il y a d'autres conférences sur la négoïsation, sur la souffrance, sur d'autres choses. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on peut poser? Qu'est-ce qui est important dans notre corps physique? C'est sa capacité de supporter du neuf. Pas la grandeur de ses doigts ou si ses ongles sont cassants ou pas cassants. C'est pas ça. Donc, c'est pas seulement par l'exercice physique, c'est plus que ça. L'exercice physique est extrêmement important parce qu'il oxygène le cerveau. En réalité, il va hydrogéniser le cerveau. Il envoie de l'hydrogène au cerveau parce que c'est de l'hydrogène qu'on a besoin, non pas d'oxygène. L'oxygène, c'est un combustible futile. Mais l'oxygène, plus on respire d'oxygène dans un corps physique qui n'est pas approprié à la vie dans un système aérobique avec de l'oxygène, plus on détruit le corps physique. Une grande, grande partie du vieillissement et des maladies sont causées par l'oxygène qui vient oxyder certaines structures atomiques de nos cellules. Et ces cellules-là deviennent totalement perturbées et ne peuvent plus continuer à fonctionner. On brûle. L'hydrogène est un comburant parce que l'oxygène, ça ne brûle pas. Si on remplit une pièce d'oxygène pour même l'allumette là-dedans, ça n'explose pas. L'allumette en brûlait plus. L'oxygène accélère la combustion. Mais mettez une allumette dans une salle remplie d'hydrogène. Ça va faire comme le Hindenburg. Là, ça saute. Bien différent. L'oxygène sert on en a besoin pour que c'est un comburant. Ça accélère, ça permet la combustion. Ça ne brûle pas. Mais ça brûle, ça permet à ce qui est dedans de se consumer. Là, notre corps physique se consume. La condition physique, c'est important parce que ça nous permet de développer notre système sanguin au niveau cérébral. Le système neuronique a plus de nutriments. Ça permet aussi aux cellules gliales de pouvoir mieux fonctionner, c'est-à-dire d'éliminer les neurones qui sont morts. Ça permet aux mutations neuroniques de mieux se faire. Ça permet aux périphériques axoniques de se développer. Donc, ça permet à des fils électriques dans notre tête de pouvoir se reconnecter ailleurs, de mieux se rebrancher. Mais ça te fait-tu changer de souffleuse ou ça te met une sorte de skido? Oui. Ça, premièrement, ça te fait prendre conscience que tu as 2 mains gelées à côté sur des manches de souffleuse. Alors, tu souffres plus sur l'évolution. Là, tu continues à tripoter tes neurones, à changer les choses, puis finalement, tu te rends compte que ton rien était tout au complet pogné après tes mains, après la souffleuse. Là, tu souffres. Là, finalement, tu te rends compte que 2 quarts à cause de toi qui soufflent avec, c'est encore bien plus chiant, parce qu'ils ont l'air heureux de t'avoir poussé la souffleuse. Là, tu regardes leur souffleuse, même type que la tienne. Là, tu te demandes, la vraie scrap. Qui n'a pas compris, moi ou lui? Puis simplement que lui, il est moins évolué que toi. Fait qu'il n'y a pas la conscience. Oui, mais il est mieux que moi, s'il n'est pas malheureux, lui. Alors l'humain, il dit, ouais, mais j'étais bien mieux avant de savoir. C'est sûr, c'est sûr. Sauf que c'est pas entre tes mains, ça, d'évoluer. Lui aussi, il va finir par savoir qu'il le veut ou pas. Mais là, c'est pas tout. Là, tu finis par comprendre que finalement, tu es mieux puis que tu vas peut-être t'en sortir. Mais là, ta vision, ta conscience grandit, puis là, tu tombes sur la souffleuse de luxe du câble. Là, tu te rends compte que lui, il n'est peut-être pas conscient, il est peut-être conscient, mais il est dans le luxe. Alors, la question, pourquoi moi? Ouais, mais pourquoi? Elle apparaît. Comment tu fais pour te rendre d'une souffleuse usagée à l'autre? Là? Fondamentalement, non, l'autre, il n'est pas assez câble, il ne te prendra pas. Si on fait du pouce, ça marche. Fondamentalement, on doit prendre notre ego puis secouer toutes les cochonneries qui nous empêchent d'avancer. Et quelles sont ces cochonneries? Culpabilité, ça va de soi. On se doit de manipuler autrui. Et si on a un ego qui a été bien instruit par les théologies collectives d'être un trou de... Oui? D'être médiocre, de rien faire, d'être un bon citoyen niaiseux, de réussir sa vie, c'est-à-dire que tu fais tout ce qui nous plaît, si on sourit, ta vie est réussie, si on ne sourit pas, ta vie est manquée. Tu sais, tu t'es marié, bien là, si tu te divorces, crime, tu aurais manqué ta vie. C'est carrément manqué ta vie. C'est, fait que tu continues à manger avec ta femme ou avec ton mari des problèmes, alors ça va être mieux, c'est pareil. Au nom du fait qu'il faut que tu réussisses ta vie. Mais quand tu vas mourir, tu divorces pareil. Mais quand c'est plus, il y a un peu tard. Bon. Alors, tu vis comme ça. L'être humain qui se conscientise, l'être humain qui commence à grandir, doit comprendre qu'il se doit de manipuler autrui. Pourquoi? Pourquoi? Comment veux-tu prendre une souffleuse meilleure qualité si celui qui est dedans ne veut pas te la donner? Hein? Il faut que tu l'illusionnes qu'il serait mieux avec la tienne. Ben oui. Mais est-ce que lui va savoir, celui qui est dans la souffleuse de meilleure qualité, là? Est-ce que comment intelligemment pourrait-il lâcher sa souffleuse pour s'en aller dans l'autre qui n'a pas de gaz? Celui qui est venu au monde d'une souffleuse de bonne qualité, c'est parce que ses parents, génétiquement, lui ont légué une condition de vie particulière. Puis lui, il ne sait pas, là. Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'individus qui naissent dans des situations apparemment plus correctes. Puis là, on les regarde faire, puis on se dit, oh, Dieu, ils font rien avec ce qu'ils ont. Il vient au monde, il a plein d'argent, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il boit, il dépense, il s'amuse, il envoie le don. Puis il y en a plein ici qui ont des idées géniales pour transformer des choses, mais ils n'ont pas d'argent, eux autres. Fait qu'ils se disent, oui, mais c'est toujours, c'est ça, tu sais. La bonne femme, elle gagne à la loterie, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Ah, ben, elle va acheter des vidéos à toutes ses frères de sa famille, elle va les inviter à Côte d'Ivoire, elle va... Torieux! Puis il y en a plein sur la planète qui sont écrivains, qui sont n'importe quoi, qui sont des créateurs, puis qui se disent, qui sont dans la rue, qui sont, hein, qui vendent leur peinture. Tu regardes un Picasso, il n'y a rien de plus avec un Picasso. Tu vas dans le vieux Montréal voir la gang. Eux autres sont laids, mais ce qui peinture, c'est beau, maudit. Mais non, c'est pas Picasso. Fait que là, c'est eux qui auraient un million de dollars, ils feraient peut-être quelque chose de différent. Il y a énormément de personnes qui sont sur le souffleuse. Puis la souffleuse, qu'est-ce qu'elle leur a permis de voir? Elle leur a permis de se conscientiser parce qu'ils étaient au froid dehors. Elle leur a permis de travailler. Alors maintenant, ils sont prêts à changer de souffleuse. Mais la personne qui est dans la souffleuse de luxe, là, qui ne sait même rien de rien, elle, qui ne sait même pas qu'elle marche toute seule, c'est pilote automatique, elle ne sait même pas qu'il y a de la neige, elle ne sait même pas qu'elle est là. Elle va savoir quand qu'elle est là, quand elle va se ramasser dehors. C'est quand que le soleil s'en va qu'on découvre l'existence du soleil, tant qu'il est là. Le soleil, on n'est même pas conscient là, qu'il est là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire des révolutions. On doit prendre nos crochets, nos grappins, nos cordes, peut-être se bander un œil, mais en tout cas, on doit passer, monter à l'abordage. Pas choix. Maintenant, est-ce que ça veut dire, ça, qu'on s'organise hypocritement pour mettre des gens en bas puis grimper en haut? On peut faire ça. La majorité des gens qui sont rendus à un niveau où ils veulent changer de souffleuse, c'est ce qu'ils font. Ça marche. Il y a du karma négatif qui peut s'associer à ça, mais il y a autre chose. Il y a présentement, dans l'avenir qui vient, il y a des souffleuses. Ça ne sert à rien. Okay? Notre bon gouvernement divin, on va t'aider un budget pour changer certains modèles de souffleuses qui datent de quelques milliards d'années. Le genre souffleuse, tu as besoin des fesses, des femmes à tout bout de champ. Tu as besoin de prendre ta bière, sinon elle ne marche pas, puis tu as besoin de ton journal. Puis quand le voisin tape son fils, ah ben là, tabarnouche, t'es contre ça. T'sais, bon, tu sais, ce genre souffleuse de même. Là, Qu'on soit la gueule d'un adulte, c'est pas grave, mais taper sur un enfant, ça, c'est grave. C'est la même affaire, c'est plus grave, mais c'est pareil. Mais tu sais, c'est ça, ce genre de souffleuse-là, qui fait que tu cries encore quand on rentre un morceau de plastique dans un filet, tu sais. Ça date de longtemps, ce souffleuse-là. T'sais, tu vas à la chasse, tu peux plus tuer dans la vue, dans la vie. Fait que tu s'en vas tuer dans le bois, ça devient un sport, alors qu'avant, c'est une manière de vivre. Ce genre de souffleuse là qui fait que tu bois ta femme, tu bois ton mari, que tu vis juste pour l'argent, que tu t'éreintes les genoux régulièrement à monter des marches d'oratoire pour aller te faire pardonner d'une faute que tu n'as jamais commis parce que tu es manipulé. Tu sais, ce genre de souffleuse-là, mais là, on approche d'un laps de temps où il y aura quelques bonnes souffleuses neuves disponibles, des véhicules A1, avec un peu plus de modernisme dedans. Nécessairement, dans l'évolution, à chaque fois que ce genre de... qu'au niveau divin, on vote un budget pour changer nos souffleuses, arrive, c'est la guerre des sectes. Alors là, les élus, ça se pousse à la porte. Tabarnouche, le rentrer dans ma gang, vous serez ceux qui vont arriver à avoir les souffleuses. Savez, la fin du monde s'en vient. Les élections qui s'en viennent. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, tout le monde a sa consistance d'évolution. C'est dans tel sexe, dans telle religion, dans telle école traditionnelle, c'est en faisant tel mantra, c'est en faisant telle affaire, que tu es sûr d'avoir la bonne souffleuse. La quantité de gens qui sont sûrs ont peut-être beaucoup d'âmes par souffleuse. Il y en a plein qui vont rester dehors. L'être humain qui va donc changer, il y a des souffleuses maintenant qui s'en viennent, alors on devra dire à quelqu'un, « Hey, va-t'en, celle-là est meilleure qualité. On va prendre la tienne. Moi, pour l'instant, c'est en masse, je vais m'en contenter. » Mais il y a un autre problème avec, c'est que la majorité des gens qui sont dans des bonnes souffleuses n'ont pas d'affaires, ils ne peuvent pas monter en haut. Ils vont s'agripper. Nous, il faut qu'on s'organise pour changer très diplomatiquement, donc hypocritement, de souffleuse en souffleuse, là, pour aller chercher le modèle récent. Le modèle récent va être disponible à partir de 1792. Il y aura des changements qui vont se faire dans certaines vies de certains humains qui se seront conscientisés suffisamment. Il y a des besoins. 1992, c'est dans le calendrier que, comparant à 1988, là. Lucie, 4 ans. Pour être sûr qu'on a le même agenda. Pourquoi en 1992? Bon, parce qu'il faut mettre une date. Okay. Question idiote, réponse idiote. Oui. Ça commence très subtilement, puis ça s'amplifie. Fait qu'on pourra dire qu'on aura des visions tangibles d'individus qui, à un moment donné, auront vu leur vie carrément changer. On aura des visions tangibles. Vers les débuts 1992, on va avoir de plus en plus de visions tangibles. Ce qui s'est déjà commencé un petit peu de même. Mais évidemment, ce n'est pas radical. Aucun individu qui change radicalement, son ego ne pourrait pas le supporter. On peut changer radicalement, mais l'ego pète, le gars meurt, la fille meurt. Il y aura donc cela. Alors, la conscience, on pose la question. Premièrement, il faut qu'on accepte déjà l'idée que de toute façon, il y a de la neige à broyer, puis qu'on va en broyer. Ta maison, si elle a passé au feu, elle va passer au feu. Ça, tu y échapperas pas. As-tu des assurances ou pas? Ça, c'est question de conscience. C'est, oui, mais les assurances coûtaient 255$, je n'avais pas l'argent pour les acheter. Question de conscience. Parce qu'on a toujours de l'argent pour acheter des assurances. Ah ouais, mais tu fumes. Ah, mais tu bois. Ah, mais tu vas au cinéma. Ah, mais il faut bien vivre. C'est ça. Vie. Ben, regarde ta maison brûlée. C'est question de conscience. C'est pas question de petit pain. Oui, mais celui qui n'a pas pris d'assurance, comme il n'y avait pas de libre arbitre, c'est pas lui qui a décidé. Parce qu'il n'y a pas sa conscience, ça va de soi. Mais quand on en arrive à une conscience, là, on peut travailler. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on comprenne juste l'idée, il n'y a pas de libre arbitre. Si on n'y échappera pas, il n'y en a pas. Quand on est juste de l'ego, on est manipulé par les sphères astrales. On est astralisé, on est coloré, il pleut dehors, on se met à chioler parce qu'on aurait voulu qu'il fasse beau. On a une crevaison, on gueule parce qu'on a l'impression que c'est nous autres qui étaient là. Tu mets ta main sale sur mon automobile et j'ai l'impression que tu l'as mis sur ma face. Bon, tant que c'est de l'ego, on est manipulé, mais par des contingences astrales, on est carrément charrié. Pas de libre-arbitre. Tout ce que je fais est réactionnel, je réagis. Depuis ma naissance, je fais que réagir. Je mange ça, j'ai décidé de prendre ça, jamais mieux ça. C'est ça, c'est ton goût, c'est une réaction. Tu décides absolument rien. Bon. Mais quand l'intelligence commence à descendre chez l'humain commence à voir. Il prend conscience qu'il est une souffleuse, il prend conscience qu'il y en a d'autres, il prend conscience qu'il est dans un hiver éternel, qu'en arrière, il n'y a plus de neige. Mais il prend aussi conscience qu'il y a une irréversibilité des faits. Ta femme est décédée, elle est morte. ton fils ou toi, ou ton mari, ou ton serin, ton chat, ton père. Tu ne peux pas revenir en arrière, c'est broyé. C'est ramassé par la souffleuse, ça ne revient pas, c'est irréversible. L'avenir peut jouer. Le passé, oublie. L'humain conscientise ça et là, il va aux toilettes. Ça fait chier. Bon. Faut donc oublier tout ce qui est en arrière, parce que tu me disais tantôt, la souffleuse, ça ne fait pas juste broyer en neige, mais le métropolitain avec. En arrière est présent. C'est pas en arrière. Si tu veux changer le passé, fais du conditionnement physique. Là, ça va changer le passé. Tu vas améliorer ce qu'on t'a légué génétiquement depuis des milliards d'années. Si tu veux changer le passé, change ta conscience. Si tu veux changer le passé, améliore ta parole pour avoir une parole plus juste. Si tu veux changer le passé, change ta vision des choses, de l'actualité. Tu changeras le passé. Grand-papa, il va voir clair. C'est là que tu changes le passé. C'est tout. L'être humain a maintenant accès de la conscience. La conscience, elle est libre. Tant que la conscience s'exprime dans le corps physique de l'homme, de l'animal humain, elle ne peut pas être suffisamment puissante pour obliger un changement de condition de vie. Alors, oublie. Mais la conscience travaille. La souffrance fait que ton corps physique réagit de plus en plus de doses de stress. Le stress, c'est de l'énergie. Plus le corps physique arrive à supporter une dose d'énergie puissante, le stress, plus l'intelligence peut maintenant être supportée par le corps physique, donc plus tu te développes. Plus tu as de problèmes, plus tu vas être intelligent. Exact. Même si tu n'es pas intelligent, d'avoir des problèmes. Même si tu n'en vois pas l'intelligence, exact. D'avoir des problèmes. Oui, c'est pas encore entre tes mains. C'est encore sa souffleuse. La petite. Pile. Maintenant, quand l'intelligence commence à descendre, tu commences à voir les choses. Et quand tu vois les choses, tu vas commencer à comprendre la mécanique. Et là, le pourquoi moi, dans ce corps, dans cette vie, on peut changer. On va changer. On ne disparaîtra pas de la planète Terre. Il y a de la neige à broyer, on va broyer. Mais il y a des manières de la broyer différemment. Peut-être plus confortable. La mécanique, c'est quoi? La mécanique, contrôle. Contrôle sur quoi? Dans l'Antiquité, on disait contrôler les autres. Ça n'a pas marché. Alors, on a fait des écoles. Contrôlez-nous, soi-même. Ça n'a pas marché non plus. Contrôler qui? Les deux. Toujours les deux. Les autres puis toi-même. Oui. C'est qui? C'est quoi le problème sur la planète? C'est les autres. Si tous les voleurs seraient morts, il n'y aurait plus de voleurs. Mais finalement, ça n'a jamais marché. L'humanité, toutes les écoles ont voulu changer le monde. Alors, on a fait des écoles de sagesse où maintenant, non, c'est à nous autres les problèmes. Changeons-nous, l'humanité va changer. On se rend compte que je peux peut-être bien changer, mais ma maison brûle pareil. C'est les deux. Les deux. Alors, l'humain qui maintenant évolue au niveau de sa conscience, doit commencer à instruire son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pleut, puis tu dis, ah, ben, tard, là, j'y pleure encore, maudit mauvais temps. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu es suffisamment mental pour t'observer, ça se développe. Ben, c'est ça, chiale, l'imbécile. T'instruis ton ego. Comme les Krishna qui se donnent des coups de talons aux orteils, qui se cassent les orteils, qui se donnent des coups de poing dans la face. Il y en a qui font ça. Parce que là, il ne faut plus qu'ils mangent. Puis là, ils ont le goût de manger, puis ils ont le goût de manger, la tentation elle vient, puis là, à un moment donné, ils se tapent dedans. Tu peux-tu frapper quelqu'un d'autre à la place? Ceux qui ne sont pas des Krishna, ils tapent ces autres, justement. Ils battent leurs enfants, battent leurs femmes. Fais moins mal. Battent leurs maisons, battent leurs chiens. Si tu as eu tous les problèmes que tu avais à vivre. Alors, lorsque l'être humain continue, il voit la mécanique. La mécanique, c'est la manipulation, le contrôle. Ça veut dire que moi, je regarde l'ensemble des gens. Et je me regarde, moi. Et c'est pourquoi je dis que l'être humain doit devenir un égoïque, sinon ça ne passera pas. Un égoïque, pas d'égo. Donc, voir les choses telles qu'elles sont, intelligemment. Puis-je mieux faire ton travail que toi? Si oui, décolle. C'est logique. Mais lui va dire, ouais, mais lui, moi, il va faire quoi, moi, là, s'il faut que je m'en aille? Présentement, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Alors, si tu es ailleurs, ça ne change rien ta condition. Cosmiquement, ça ne change rien. Émotivement, sécuritairement, psychologiquement peut-être. Mais ça, ce n'est pas un critère. Je ne peux pas et on ne peut plus continuer à limiter notre condition de vie en fonction de l'évolution des autres. Pour respecter les autres personnes. J'ai le goût d'ôter mon chandail. Mais ça va frustrer les gens. Ah ben, je le garde. Continuellement. Toute notre vie est basée sur le système émotif des êtres humains. Et on appelle cela être poli, on appelle cela être civilisé, on appelle cela être social. Donc, du point de vue de la conscience, on est sociale. On n'est pas nous autres. Alors, on doit finir par se dire, bon, ben moi, je décide que je ne me chicane plus. Je veux contrôler mon ego. Il va encore sécréter. Qui sécrète? C'est le secret de l'évolution, pas de problème. À un moment donné, ma femme vient me voir, puis là, ah, ça, blablabla. Bon, puis moi, je embarque pas, je réponds. Ah, là, ça la pompe. Là, je me dis, oui, mais là, pauvre elle, là, j'ambitionne, c'est moi qui... Non, c'est elle, pas toi! Là, qu'est-ce que je fais? Ben là, tu te lèves, puis tu dis, bon, ben, tu veux crier, je vais prendre une marche, tu sors, tu t'en vas. Et c'est assez pour qu'elle casse tout ce qui t'appartient à la maison. Ouais, t'es mieux de crier un petit peu, juste... Non, t'es mieux de t'en aller prendre ta marche. Le mieux qui peut arriver, c'est qu'elle cesse de crier. Le deuxième mieux, c'est que vous vous lâchiez. Mais toi, tu continues ton chemin. C'est ça. Quand on veut absolument, parce que t'attaches deux oiseaux un à l'autre, ils ont quatre ailes, ils ne peuvent plus voler. On a chacun nos souffleuses, à un moment donné, tiens, mais moi, je vais prendre ta poignée, tu prends la mienne, puis là, on va marier, tu sais. On s'en va, puis on se pousse, puis souffleuses, ça cote, puis ça s'en va d'un bord, puis de l'autre. Et ça tu croches au travers, puis on tape sa souffleuse du voisin. Là, en plus, on rajoute des enfants avec le souffleuse, puis on veut le souffler, le bébé. Il faut qu'on le dise tout de quoi faire aux enfants, c'est immanquablement, sinon, ils souffrent notre neige, ils souffrent pas bonne neige, un trou, tu sais. Bon. Tu as des enfants? Oui. Il y a des enfants qui m'ont. Ouais, c'est plutôt ça, des enfants, ils t'ont. C'est bien. Ils ont un gros souffleuse, eux autres. Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour arriver à changer sa condition de vie, on ne doit pas penser la changer en changeant autrui. On doit simplement trouver notre trou. Notre évolution nous transforme. Si elle nous transforme, il ne faut pas qu'on considère que toute la vie à venir est basée en fonction de notre transformation. Si on a besoin d'un pousseur de souffleuse, qu'il soit intelligent ou pas, l'important, c'est qu'il pousse. Cosmiquement, c'est vu comme ça. S'il est intelligent puis qu'il pousse, la vie ne donnera jamais rien d'autre. Pousse. C'est correct. Le travail est accompli. Si par contre, l'intelligent voit quelque chose qui va plus avec son affinité nouvelle d'évolution, l'intelligence, ça ne donnera pas. S'il décide de travailler pour changer, l'intelligence, ça va le laisser aller. Là, on va dire, oui, il y a une souffleuse qui ne marchera plus. Faites-en pas, il y a toujours un cave, mais il a poussé ta place. Puis si tu décidais d'arrêter de souffler? Je l'ai déjà dit, faire la grève contre les forces cosmiques. Mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de 5 milliards d'humains qui ne sont pas prêts à faire la grève. Ça se ferait, mais c'est pas maintenant, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le ferait. Quand l'humanité va décider de dire, bon, ben c'est suffisant et on ne souffle plus, on oublie. On mettait une lampe solaire, faire fondre ça au lieu de souffler. Ouais, c'est extrêmement luciférien. Et puis immédiatement, c'est réglé. Pour l'homme, pas pour la création, mais pour l'homme. Puis on ne le fera pas? Non. Parce qu'on est trop imbécile pour le faire, puis quand on va être suffisamment intelligent, on n'aura plus de raison de le faire. Parce qu'il n'y aura plus de neige? Il va y avoir encore de la neige, mais on n'aura plus la même condition de souffrance, on n'aura plus la même affaire, ça va se faire très rapidement, les petits derniers milliards d'années, ça va passer. Si j'ai oublié. On revient, je veux terminer à expliquer cette mécanique, parce qu'on peut, en comprenant convenablement, commencer un travail pour changer de souffleuse. Fait qu'on revient à la deuxième partie, avant la période des questions avec ça. Oui. On fait une pause, des questions, vous les écrivez sur n'importe quel sujet ou sur le sujet de la conférence de ce soir.